pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. On va parler avec notre ami Gignon Junot. C'est la première chronique du club de golf de Saint-Prime. On a fait les chroniques de Dolbeau et également de Chibougamau avec Michel Lallemand et Steven Marceau. On va parler avec Gignon Junot. Salut Gignon! Salut Danny! Gignon, comment tu trouves ton nouveau travail d'abord? Ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que tu es rentré à temps plein. Comment tu trouves ça? Conte-moi ça. Ben, jusqu'à date, ça va très bien. Disons que c'est le début de saison. C'est un gros début de saison pour le club jusqu'à date. Et puis il s'agit de d'y aller, comme on dit, un dossier à la fois, de placer les choses. On a travaillé, on a dû reconstruire l'équipe là au niveau des employés. Là, c'est-tu facile de trouver de la main-d'œuvre? Parce que tout le monde parle, tout le monde recherche de la main-d'œuvre, tout le monde s'arrache les cheveux. Comment ça va au club de golf de ce côté-là? Oh, c'est comme tout le monde, très, très difficile. La pénurie de main-d'œuvre nous frappe comme les autres. On aura quand même réussi là à combler, en tout cas pratiquement, tous les postes qu'on avait, mais tu sais, comme on dit, on n'a pas 7-8 personnes qui font la file là, pour occuper le poste qu'on veut, qu'on affiche là, quand on ouvre un poste. Alors, c'est clair que c'est beaucoup, c'est des casse-têtes qui auparavant étaient beaucoup moins grands pour les gestionnaires d'entreprise, mais il faut vivre avec ça, puis il faut essayer là, de trouver des solutions, puis d'essayer d'innover pour faire en sorte qu'on puisse passer au travers, puis de faire en sorte aussi de conserver la main-d'œuvre qu'on a le plus longtemps possible, parce qu'il reste que tu as de la formation à faire, puis pour s'assurer que ces gens-là soient heureux dans leur travail, puis qu'ils apprécient leur job pour faire en sorte qu'on les conserve là à plus long terme, bien que c'est jamais facile dans une entreprise qui emploie des gens au niveau saisonnier. Mais ça fait partie de la game, non? OK. Gignon, si on parlait un peu de la saison qui est démarrée, c'est démarré depuis environ une semaine au club de golf de Saint-Prime. Est-ce que l'achalandage est bon? On a connu quand même une semaine coup-ci, coup-ça, côté température. Vous êtes tributaire de tout ça. Fait que, comment c'était la première semaine? Ben, c'est notre deuxième semaine. Ouais. En fait, là, on a ouvert dimanche aujourd'hui, mais dimanche il y a deux semaines, ce qui fait que jusqu'à date, comme tu le dis, là, le club de golf est tributaire de la température. Autant on a eu des belles journées, autant on a eu des journées qui étaient vraiment, comme on dit, qu'il n'y avait pas d'entre-deux, là, que c'était de très mauvaises journées. Ce qui fait que jusqu'à date, bon, lorsqu'on a eu des belles journées, l'achalandage était excellent. Lorsque les journées, bon, c'est la pluie du début jusqu'à la fin de la journée, là, on n'est pas sans, c'est sûr qu'il n'y a pas d'achalandage à ce moment-là. Mais pour le moment, là, le plus difficile, je te dirais, là, c'est vraiment la question au niveau du terrain, dans le sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Okay. Et tu sais, la neige avait quand même fondu rapidement, là, un moment donné, en dedans de deux semaines, ça a fondu, mais le sol n'était pas tout à fait dégelé là, jusque profondément, ce qui a fait en sorte que l'eau est restée. Fait qu'aussitôt qu'on le près de 2-3 jours de beau temps, le terrain s'assèche, mais pas en profondeur. Fait qu'aussitôt qu'il y a une journée ou deux de pluie, le terrain devient très, très mouillé, très, très mou. Ce qui est pas facile là, au niveau de l'entretien du terrain, à peu près ça, ben, pour pas non plus briser le terrain avec les cars et tout ça. Fait que c'est ce qui nous complique un peu la vie, mais encore une fois, là, ça fait partie de la job. Là. OK, dis-moi. Sinon, par contre, je te dirais que le terrain est en excellente condition. Les verres, moi, pas pour avoir été là par le passé, là, mais pour avoir été joué là, au club à Saint-Prime là, dans les dernières années, là, en début de saison, là, c'était toujours très difficile. Ouais, c'était ça ma question. Côté-là. Moi, je t'aiderais de ça et ma question. Puis, cette année, les Verts ont sorti très, très, très beau. Je dirais là, qu'on doit être au moins un gros mois, là, gros mois et demi en allant sur, sur les années passées. Ce qui veut dire que on offre là, déjà de très belles conditions de jeu là, aux golfeurs là, qui viennent jouer, là, puis tout le monde nous en parle. Là, les gens sont vraiment surpris et très heureux de des conditions de nos verres. OK. Dis-moi, ça ouvre quand là? Ben, le tournoi d'ouverture, c'est quand, c'est-à-dire? Ça doit s'en venir bientôt? Le tournoi d'ouverture va être le 15 juin. Okay. Samedi le 15 juin. OK, OK. Et vous avez une belle, une très, très, très, très belle promotion. C'est un concours, en fait. Est-ce que ça a un lien avec le Weekend Golf? Oui, oui, le concours pour le voyage pour quatre personnes ici, là, dans le cadre du Weekend Golf. Effectivement, c'est un très beau concours qui est lancé par Louis Lapierre et Jonathan Lambert, qui sont les grands responsables là, du Weekend Golf. C'est eux qui ont eu cette idée-là, qui l'ont proposé, comme on dit, travaillé avec, parce qu'il y a des intervenants comme le Zoo, l'Hôtel Boreali, on a des partenaires là-dedans, là, qui... Fait qu'en fait, là, c'est sûr que c'est un concours qui va, qui est à l'échelle provinciale, en collaboration avec Golf Québec, qui est leur site, leur page Facebook, Sortez Golfer. Okay. C'est eux qui ont pris charge de la promotion de ce concours-là pour quatre jours ici, là, pendant le cadre du Weekend Golf. Des rondes de golf, tout est gratuit, les hôtels pendant quatre jours gratuits, un laissez-passer aux Zoo Sauvages de Saint-Félicien. En tout cas, une panoplie d'activités. Là, ils vont pouvoir participer également là, au tournoi de l'Open de Saint-Prime le vendredi, les gens qui vont remporter le prix. Fait que là, c'est en cours actuellement. Là, je ne sais pas jusqu'à quelle date là, le concours se termine. De mémoire, là, c'est d'ici quelques semaines maximum, là, aux alentours de. Mais effectivement, là, ça nous permet en même temps pour nous autres là, de faire parler du club là, sur l'échelle provinciale. Là. OK. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de dynamisme à Saint-Prime, mais on le sent. Hey, dis-moi, en terminant, le nombre d'inscriptions. J'avais oublié, c'est une question intéressante. Est-ce que ça ressemble aux autres années? Progression, augmentation, diminution, comment que ça va du côté du nombre des membres? Ben, actuellement, là, du côté des membres, mon cher Danny, là, j'ai pas les derniers chiffres officiels. Là. On comprend qu'on est encore là, allé jusqu'à la fin du mois de mai. Là, on n'a jamais. Là, j'attends toujours moi, la fin du mois de mai pour vraiment être en mesure de t'en dire davantage ou de donner un nombre exact. Encore là. Moi, je suis pas là dans le secret des dieux. Là, je m'arrête pas toujours sur seulement le nombre de membres qu'on a, mais moi, je regarde vraiment le nombre de parties de golf qui est joué, le nombre. On vend des forfaits aussi parce qu'il reste que t'as des gens qui peuvent jouer 30 parties de golf par année. Ils sont pas nécessairement membres, mais il reste que c'est des golfeurs qui jouent. Eux, leur disponibilité leur permet de jouer entre 15, 20, 25, 30 parties de golf par année. Fait que, tu sais, il faut le voir sous cet angle-là. Il faut s'assurer d'aller chercher le maximum de golfeurs possible. Donc, le nombre de plus de parties qui se jouent. Historiquement, là, bon, oui, on avait beaucoup, là, c'était on pourrait dire l'espèce d'unité de mesure dans le sens que si un club allait bien ou non, là, on disait bah, on a augmenté nos membres cette année, on a diminué nos membres, puis là, ben là, on se disait ah, ça va bien ou ça va pas bien avec ça, mais c'est pas de cette façon-là, moi je le vois, là, faut vraiment travailler sur l'augmentation des parties de golf jouées, l'augmentation des joueurs de golf, c'est sur ça qu'on veut travailler, mais jusqu'à date, ce que je peux te dire, c'est que ça va bien. C'est positif. C'est pas parce que ce serait négatif que je veux pas répondre à ta question, là, mais je vais être en mesure de t'en parler. Mais ça se dirige. Moi, je pense là, qu'on va assurément avoir un maintien du nombre de membres. Mais du côté, avec une augmentation là, très, très appréciable du côté des gens là, qui jouent à forfait. Et encore là, c'est pas nécessairement des membres, tu sais, qui s'en vont jouer à forfait, là. C'est pas ça pantoute, là, mais c'est beaucoup plus des gens qui, pour le moment, jouaient occasionnellement. Mais là, ces gens-là ont décidé de d'y aller avec des forfaits. Puis, jusqu'à date, là, on est très, très heureux là, de la réponse. Puis, si là, quelques semaines, dans les chiffres officiels, là, fait que ça va être plus facile là, de voir nos résultats de ce côté-là. Là. OK. Ben, Gion, on s'en parle quelque part la semaine prochaine. Parfait, mon cher. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Gion.